Québec. Bienvenue à Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, encore plein de bonne musique gratuite. Donc, vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusique.ca. Vous consultez la playlist et vous suivez les liens pour télécharger toute cette bonne musique. Cette semaine, on va débuter avec un artiste publié sur Housefly Records. Il s'agit de Ultra Bass. Ça nous vient de la Belgique. Je vais vous faire entendre la pièce Automatic Transformation. Tout de suite après, sur l'étiquette écossaise Black Lantern Music, une étiquette qui se spécialise dans le hip-hop expérimental et musique du genre, c'est une Irlandaise qui demeure aux Pays-Bas. Elle s'appelle Niam de Barra. Elle joue avec violoncelle, avec sa voix. Il y a un peu de musique électronique au travers de tout ça. Un beau mélange, une artiste vraiment surprenante. Donc, Niam de Barra. Je vais vous faire entendre sa pièce Big Day Below the Sea. C'est tiré de son album Below the Sea. Vraiment excellent. Donc, on débute tout de suite Web Music avec Ultra Bass, sa pièce Automatic Transformation. Yeah. shelter, preaching comfort and fear. Though it's better to die on your feet than live on your knees. It's just a much of a leap. There's a demon on my shoulder, preaching comfort and fear. Though it's said it's better to die on your feet than live on your knees. It's just a much of a leap. There's a demon on my shoulder, preaching comfort and fear. Though it's said it's better to die on your feet. It's just too much of a pain. There's a demon on my shoulder, preaching comfort and fear. Though it said it's better to die on your feet than live on your knees. It's just too much of a pain. There's a demon on my shoulder, preaching comfort and fear. Though it said it's better to die on your feet than live on your knees. It's just too much of a pain. C'était Niamh de Barra, une artiste irlandaise qui demeure aux Pays-Bas. C'était sa pièce Big Day Below the Sea. C'était publié sur Black Lantern Music. Avant ça, on avait débuté Web Music avec un artiste belge du nom de Ultra Bass. C'était sa pièce Automatic Transformation. Ça, c'était publié sur Housefly Records. Pour la suite de l'émission, je vous propose un artiste de la ville de Orlando aux États-Unis. C'est Broken Spirit qui est sur une étiquette d'électro chrétien. Donc, ben oui, le style existe. Il y a du Christian rock, ben il y a de l'électro chrétien aussi. C'est l'étiquette Electronica for God. Donc, je trouvais ça pas mal drôle. Ils ont malgré tout de la très bonne musique. Donc, je vais vous faire entendre la pièce Your Way. Avant ça, on va entendre un artiste qui est basé à Montréal en ce moment. C'est Maxime Robin qui produit un beat nouveau par jour. Donc, vous pouvez suivre ses beats sur 30bpm.com. Vous avez droit à un beat différent à chaque jour. Donc, j'adore tout ce que fait Maxime Robin. C'est toujours des trucs vraiment complètement pétés. Toujours très intéressant. Donc, je vais vous faire entendre la pièce Diff Sermenti. Vous allez voir, vraiment excellent. Donc, ben c'est ça, on écoute tout de suite Broken Spirit et tout de suite après, c'est Maxime Robin. Excusez-moi, c'est plutôt Maxime Robin tout de suite et ensuite de ça, Broken Spirit. We'll be right back. vous êtes toujours à l'antenne de CKRL, à l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre Broken Spirit avec la pièce Your Way. C'était sur l'étiquette Electronica for God. Donc, avant ça, c'était Maxime Robin avec la pièce Diff Cernmenti. Donc, vous pouvez toujours écouter les beats de Maxime Robin. C'est un nouveau beat par jour. Allez sur son blog 30bpm.com, je crois. Rendez-vous sur la page de Web Musique et cliquez sur Maxime Robin. Vous allez tomber sur son blog. Donc, on va poursuivre avec un artiste publié sur Parallax Sounds. Il s'agit de Bagpipe Whiskey avec sa pièce I Am Stupid. C'est tiré de son album Asparagus Poppy. Ensuite de ça, sur Phonocake, je vous fais entendre Cyclotron avec Space Adventures. Vous allez voir, assez mystérieux comme pièce. Cyclotron qui nous vient de l'Allemagne. Donc, on écoute Bagpipe Whiskey tout de suite. See and hear firsthand one of man's most momentous space adventures. A boy and girl will go to the moon. Mm-hmm.

C'était Cyclotron avec Space Adventures, publié sur Phonocake. Cyclotron qui nous vient de l'Allemagne. Avant ça, c'était Bagpipe Whiskey avec I Am Stupid. C'était tiré de son album Asparagus Poppy. Pour la suite de l'émission, je vous propose une artiste new-yorkaise du nom de Cibo. C'est sa pièce Now That They're Watching. C'est publié sur l'étiquette Sirona Records. Ensuite de ça, sur Peppermill Records, c'est un artiste autrichien du nom de El Aijin. Je vous fais entendre la pièce Out of the Unknown. Vous allez voir une pièce assez longue, mais vraiment excellente. Donc, ben, c'est ça, on écoute tout de suite Cibo à Web Music. Thank you. C'était l'artiste autrichien L.I. Jin avec sa pièce Out of the Unknown publiée sur Peppermill Records. Peppermill Records qui semble avoir refait surface. La page semble pas trop complète, mais vous pouvez quand même télécharger plein d'albums sur l'étiquette, donc qui était comme en repos pendant un bout de temps. Puis ça semble revenu, toujours des trucs intéressants sur Peppermill Records. Avant ça, c'était une artiste new-yorkaise du nom de Saibo avec la pièce Now That They're Watching. C'était publié sur l'étiquette française Sirona Records. Je vous rappelle encore une fois, c'est très important, de la page de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Donc, vous pouvez accéder à toutes les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez les télécharger. Vous pouvez en savoir plus aussi sur les artistes. Donc, rendez-vous sur la page pour en savoir plus. On va poursuivre avec un artiste argentin du nom de Pablo Ribo avec sa pièce Network BB Jazz. Ensuite de ça, un artiste polonais du nom de L'eau du robinet avec la pièce Witch, une pièce assez intrigante. Donc on écoute tout de suite Pablo Ribo à Web Music. Hello? all around her. Hello? Hello? It's all around us. Listen. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? It's all around us. Listen. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? It's all around us. Hello? Hello? Une pièce totalement hypnotique, c'était la pièce Witch par L'eau du robinet, un artiste polonais. Avant ça, de l'Argentine, c'était Pablo Ribo avec la pièce Network BB Jazz. Ça va déjà être tout pour Web Musique. On va se quitter sur une dernière pièce. Oubliez pas, rendez-vous toujours au www.webmusique.ca pour consulter la playlist de l'émission ainsi que pour télécharger Donc, les pièces entendues à l'émission, il y a aussi la balado-diffusion qui est disponible, puis il y a toutes sortes de liens en rapport avec la scène Net Audio, donc une page à visiter. On se quitte sur une pièce du collectif Scala qui nous vient de la Pologne. Je vais éviter de prononcer le nom de la pièce parce que c'est en polonais et je suis totalement incapable. Je peux vous dire que c'est tiré de leur album Lumina, donc un album vraiment intéressant à télécharger. On se quitte là-dessus, puis on se donne un rendez-vous la semaine prochaine à 21h pour notre émission de Web Music. Bonne soirée. Now then, perhaps you'd better tell me all about it. You know, that's just like what I do, and that's just like another day in the life of the space cowboy. Cowboy. Cowboy. Cowboy. Cowboy. Cowboy. Cowboy. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Grand studio tout équipé, incluant micro, console de son, casque d'écoute et tapis mur à mur cherche homme ou femme pour animer une ou plusieurs après-midi d'automne. Demandez Tania au 88 640 2575, poste 210. Libre immédiatement. CKRL est là juste pour toi. Le ciné-club Spirafilm au Cégep Limoilou est de retour. Pour sa première soirée de l'année, voyez le long-métrage « Mémoires affectives », gagnant de plusieurs prix, dont le Jutra du meilleur film. Le réalisateur Francis Leclerc sera présent afin de partager son expérience de cinéaste. La séance sera précédée du court-métrage « La liste » de Catherine Breton. Rendez-vous à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou le 24 septembre à 19h. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le Service d'animation socioculturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, chez Fratelli, le Bal du Lézard et CKRL. Plus de détails, spirafilm.com. Artistes, comédiens, auteurs, danseurs, musiciens et créateurs de la relève, vous avez un projet? La mesure Première Ovation vous invite à venir découvrir ses programmes. Que ce soit pour vous aider à réaliser vos œuvres, les diffuser ou à perfectionner votre art, Première Ovation est là pour vous. Visitez le premierovation.com pour tous les détails et faites vite. Plusieurs appels de projets se terminent le 1er octobre prochain.